Agenda, page 19. Conférence parentalité aux Ursulines. Jeudi 26 novembre, théâtre des Ursulines à Château-Gontier. Stéphane Bloco, docteur en sciences de l'information et de la communication, vient à la rencontre des parents et des grands-parents à l'occasion d'un nouveau grand rendez-vous consacré à la parentalité. La conférence sera consacrée au thème « Les jeunes, Internet et les mondes virtuels. Quel impact identitaire ?» À cette occasion, seront abordées des problématiques telles que les réseaux sociaux, la cyberdépendance, le sentiment d'impunité, les jeux vidéo et mondes virtuels ou encore l'éducation nécessaire au virtuel. La présence des mineurs est déconseillée pendant cette conférence. Renseignements auprès du centre social 02 43 09 55 80 www.chateaugontier.fr. Marché de Noël, samedi 12 décembre et dimanche 13 décembre, Château-Gontier-Bazouges. Pour sa 18e édition, le marché de Noël de Château-Gontier-Bazouges aura lieu sur la promenade de la Résistance et à la salle des fêtes. Cette année, plus de 80 artisans, producteurs, commerçants et associations seront présents tout au long du week-end. La salle des fêtes recevra les exposants ainsi que les associations locales et départementales qui soutiennent des actions humanitaires. Le conseil municipal d'enfants collectera des jouets qui seront redistribués à des associations caritatives. Les visiteurs pourront découvrir ici et là de nombreuses idées de cadeaux. Le marché de Noël donnera un avant-goût de fête pour préparer au mieux les réveillons. Des animations commerciales, déambulations, jeux concours seront proposés du 5 au 25 décembre par l'association Castel Plus. On peut voir sur la photo un Père Noël à lunettes en pleine distribution de bonbons. 30e Corrida, dimanche 27 décembre, Château-Gontier. Chaque année avec ses courses, la Corrida, organisée par l'UPAC, réunit environ 1500 coureurs dans les rues de la ville. Sa 30e édition aura lieu le dimanche 27 décembre à Château-Gontier-Bazouges. Renseignements www.upac.asso.fr. En photo, de nombreux participants pendant la course. Tous les mois, de nombreuses animations à la médiathèque. La médiathèque du pays de Château-Gontier propose une multitude d'animations à ses visiteurs. Heure du conte, atelier d'écriture, The Book Table, quiz musicaux, spectacles, expositions. Quasiment chaque semaine est ponctuée de rendez-vous. Pour connaître les dernières actualités de la médiathèque, rendez-vous sur médiathèque.châteaugontier.fr.